the rubbish bin. The police protect the store. The police protect the store. Good God and smoke cry for the goods. God, the people in front of the store. Fire the guns in front of the store. Police protection, police protection. Insurrection, insurrection. The police protect the wheel of fortune. Death in the face, spin, pick a number by full moon. Saturday night of Saturn, oh Saturn, my Saturn. Oh my God, a gang of monkeys have surrounded the shopping center. They're carrying off the televisions. Don't worry, Lucy and Desi and Chet and Ozzy and Flintstones. Lamb, lamb, lamb. Machine gun firepower, Vietnam veterans charge laundromat. Muster at theological bank with the flag on top. City, civil war. Better believe it, better believe it. Vietnam outside the picture window. 100 years ago, blacks troops turned the tide against the states. Present gun, tent shoot. 100 years of black chromosome. Ain't no bombs gonna come planes. Never no foreigners causing ruckus on our turf. But oh Lord, where do those niggas come from? Old Sambo the man eater. Old Sambo, so terrible, so terrible. Our children would have to believe him. A boy he was born from in the garden of men. Look, Sambo the man eater. Sambo the man eater. Sambo the man eater. The kind of nigga you can't do nothing with. The crazy nigga. Oh, Sambo. sur la matière pour voir ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, l'art, pour moi, est une porte vers la lumière, une porte vers le centre. Il y a une forme, mais au-delà de la forme, eh bien, on va voir quelque chose. Et c'est ce que les enfants font. Et on va leur dire, mais qu'est-ce que tu as comme imagination? En réalité, ils n'ont pas d'imagination, ils voient. C'est nous qui n'avons plus cette capacité de voir et qui devons imaginer. Mais ils n'imaginent rien, c'est pour ça qu'ils ont peur, par exemple, du monstre dans le placard ou de ce qu'il y a sous le lit. Parce que pour eux, c'est pas une illusion, c'est une réalité. Donc, finalement, on peut dire que la réalité dépend, c'est un système de croyance. Plus il y a de gens qui imaginent que cette réalité, elle est comme la note, là, rigide, avec des barreaux, ben plus ça devient vrai. Plus il y a de gens qui croient à autre chose, bah, ils créent des ouvertures. Un génie, finalement, c'est un type qui dit, bah non, la réalité n'est pas comme ça. Moi, je vais vous dire, il y a quelque chose qui ne se peut pas aujourd'hui, mais qui est là. Et plus il y a de gens qui vont croire à ça, plus ça va devenir vrai. Alors après, on va essayer de la faire rentrer dans notre réalité. On va inventer des règles physiques, on va inventer des règles scientifiques pour prouver que ce nouvel événement fait bien partie de notre réalité. Mais ça ne veut pas dire que c'était vrai à l'origine. Peut-être que la réalité, c'est une folie qu'on partage. Et que, finalement, la densité de cette réalité dépend du nombre de croyants. Alors comme les enfants ne croient pas à la même chose, ils ne voient pas la même chose. Le plus fort, c'est qu'ils peuvent nous amener dedans. C'est-à-dire que si on se prend au jeu, c'est-à-dire si on redevient des enfants, d'ailleurs c'est ce qu'on dit en imagine, hein, qui travaille de femme et jeune enfant. On dit il faut trouver le grand homme, retrouver son âme d'enfant. Ça veut dire quoi retrouver son âme d'enfant? magnanimity. Only the supernatural, extra intelligent, brilliant kindness of the soul.